À l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, l'Association générale des Coréens en Chine a adressé le 27 juillet une lettre au maréchal Kim Jong-un. Voici le résumé de la lettre. Le généralissime Kim Il-sung est le patriote incomparable et le commandant prestigieux invincible à la volonté d'acier qui a repoussé résolument l'invasion armée des forces alliées impérialistes sous la coupe américaine avec les éminentes idées en matière d'affaires militaires, les méthodes de guerre originales et les stratégies tactiques prodigieuses pour ainsi défendre fermement le destin et la souveraineté de la patrie et de la nation. Il a obtenu la capitulation des impérialistes américains qui se vantaient d'être les plus puissants du monde pour ainsi créer le miracle militaire dans l'histoire de la guerre dans le monde. Le généralissime Kim Jong-il a créé la dissuasion autodéfensive de guerre par la politique de Sung-un originale pour ainsi sauvegarder le socialisme axé sur les masses populaires et conduit à la victoire pendant des dizaines d'années, la confrontation sans canonnade avec les États-Unis pour ainsi continuer l'histoire et la tradition de la victoire créée par le président Kim Il-sung. L'histoire et la tradition de la lutte anti-impérialiste et anti-américaine de la Corée du Tse, léguée comme patrimoine révolutionnaire par les généralissimes, continue aujourd'hui grâce au maréchal Kim Jong-un. Finalement, les Coréens en Chine ont souhaité bonne santé au maréchal Kim Jong-un pour la victoire finale de l'œuvre révolutionnaire du Tse, la réunification indépendante de la patrie et le bonheur de la postérité.